بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui la troisième intervention dans les, parmi les interventions en français du séminaire sur Al-Qawa'id Al-Arba'a, les quatre règles, les quatre principes. Et on a terminé hier soir la première qa'ida, la première règle. Et la première règle concernait ou était à propos de Ar-Rububiyya, Tawhid Ar-Rububiyya, et c'était pour en fait expliquer que si quelqu'un croit en Tawhid Ar-Rububiyya, c'est pas suffisant pour qu'il soit sauvé de l'enfer et pour qu'il puisse être considéré musulman. Donc ça c'était la première règle, la première qa'ida. Puis on a mentionné à ce sujet des preuves dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant on passe à la deuxième qa'ida. Deuxième qa'ida dans le livre de Al-Usul al-Thalath, dans Al-Qawa'id al-Arba'a, pardon. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans cette qa'ida: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc on va commencer par la traduction de cette partie de la deuxième qa'ida, la deuxième règle. C'est que ils ont dit, c'est-à-dire les gens qui adorent, hein, les gens qui adorent les tombes, qui adorent les awliya, qui adorent les saints en dehors d'Allah, ils ont dit: nous les avons adorés que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah, en demandant le rapprochement, en demandant l'intercession. Hein? Donc ils se sont tournés vers ces idoles et vers qu'est-ce qu'ils ont adoré en dehors d'Allah, uniquement en cherchant à se rapprocher d'Allah et en cherchant l'intercession pour aller vers Allah. Et donc la preuve de ça, la preuve de ce qu'ils ont dit, c'est mentionné dans le Coran, verset 3 dans Surat Az-Zumar. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, des idoles qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, ils ont dit: nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. C'est-à-dire, c'est ça leur excuse, c'est ça leur argument, pourquoi ils ont pris en dehors d'Allah des idoles. Hein, c'est pour que ces idoles les rapprochent un peu plus d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, Allah va juger entre eux dans ce sur quoi ils ont divergé, et Allah certes ne guide pas tout menteur et toute personne qui est menteur et qui est négateur ou bien qui est ingrat et qui rejette la vérité. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de cette deuxième règle que les mushrikoun, hein, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé des mushrikin, et il a jugé à leur sujet qu'ils seront éternellement en enfer, eh bien ces mushrikoun là, ils n'avaient pas fait le shirk dans la rububiyya, ils n'avaient pas fait de shirk dans la rububiyya, comme on l'avait expliqué hier. C'est-à-dire, ils n'avaient pas pensé ou cru que il y avait d'autres créateurs avec Allah, hein, ou d'autres qui contrôlaient l'univers avec Allah, qui avaient plusieurs maîtres, plusieurs créateurs de l'univers. Non, ils ont uniquement fait le shirk dans l'adoration, dans le fait qu'ils aient associé à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration. Et donc ils ne disent pas que leurs divinités peuvent créer, ou que leurs idoles peuvent donner la subsistance, ou qu'elles peuvent profiter, ou qu'elles peuvent nuire, ou qu'elles contrôlent quelque chose dans l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils ne disent pas ça. Hein? Ceux qui adorent les statues et les idoles, Hein, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait pas que cette idole-là, c'est elle qui a créé le ciel et la terre. Il ne disait pas que c'est cette idole-là qui a un pouvoir dans l'univers de contrôler quelque chose. Ils ne disent pas ça. Ce qu'ils disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, c'est qu'ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. C'est-à-dire pour aller à Allah, au lieu d'aller à Allah directement, ils passent par des intermédiaires et des intercesseurs. Hein, parmi les exemples qui sont mentionnés à ce sujet-là, c'est qu'ils disent par exemple, nous, on est des gens qui faisons des fautes, qui faisons des péchés. On a beaucoup donc de fautes et de péchés à cause de ça. On n'est pas assez pur pour s'adresser directement à Allah, hein, pour parler directement à Allah. Donc il faut passer par d'autres personnes que nous, qui eux sont très pieux, sont très bons, et donc eux ils vont s'adresser à Allah à notre place. Hein, ils vont parler à Allah pour nous. Donc eux, c'est ça leur logique, c'est ça leur argument. Ils vont passer par des créatures, par des hommes qui sont très pieux, des bons musulmans ou des bons croyants. Hein, puis eux, ils vont s'adresser à Allah pour nous, soit des prophètes, soit yani des hommes qui ont été très vertueux, qui ont fait des bonnes choses, soit des anges ou des choses comme ça, et qu'ils les prennent comme intermédiaires ou intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné cette parole de leur part, mais ils ne réalisent pas qu'en réalité le fait de faire ça, c'est du shirk. Hein? Que même si c'est ça leur excuse, ça ne les sauve pas, hein, du fait que ça c'est du shirk et qu'ils ont commis le shirk en agissant de cette manière. Et la preuve de ça, c'est le verset 18 dans surat Yunus. Et ça, c'est un verset très important qui se répète constamment. Les ulama, ils le rappellent souvent. Et c'est bon donc de le mémoriser, de le connaître et de le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 18 dans surat Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc, ils disent aussi, ils reconnaissent que ces intermédiaires qu'ils ont pris entre eux et Allah ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter. C'est-à-dire ni leur nuire, ils ne sont pas capables de leur amener un mal quelconque, ni de les profiter, de leur amener un bien quelconque. Parce que celui qui peut amener le bien et qui peut profiter, et celui qui peut faire en sorte qu'un mal nous touche, c'est uniquement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle ça. Hein, et non pas ces intermédiaires-là. Donc, eux, ils reconnaissent cela. Et ils savent que ces intermédiaires, ces idoles, ne peuvent ni profiter, ni nuire. Mais ils les ont pris comme intermédiaires. C'est-à-dire, comme intercesseurs entre eux et Allah, pour essayer d'obtenir ce qu'ils ont voulu et les choses dont ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'ils leur offrent des actes d'adoration. Ils vont faire des sacrifices pour eux. Ils vont faire des vœux pieux yani pour eux. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas donner la subsistance, ils ne peuvent pas ni profiter, ni nuire. Hein? Ils savent cela, et ça c'est dans leur croyance. Mais ils les prennent uniquement comme des intermédiaires et des intercesseurs. Voilà la aqidah des mouchriquins. C'est ça la aqidah des idolâtres. Hein? Et même chez les chrétiens, beaucoup de chrétiens, tu parles avec eux, ils disent ça. On invoque Jésus, on prie à Jésus parce qu'on passe par lui pour aller à Dieu. Ils prient à Marie parce qu'ils considèrent que Marie est une femme pieuse, donc ils vont l'invoquer en dehors d'Allah en pensant que ça va les rapprocher d'Allah. Et la même chose aussi pour les... juste, tu peux laisser la bouteille. Barakallahu fik. Et la même chose pour yani les hindous, hein. Tu vois que les hindous, hein, ils ont plein de statues, plein d'idoles, plein de divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Eh bien, ces statues-là qu'ils invoquent, c'est des intermédiaires et des intercesseurs aussi qu'ils invoquent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ils croient qu'il y a un être suprême, hein, puis qu'ils vont prendre ces intermédiaires et ces intercesseurs et leur offrir des offrandes, leur donner des actes d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est l'exemple de ce que font les mushrikines et ce qu'ils faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'ils faisaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'ils font encore même jusqu'à aujourd'hui. De considérer que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est pas des créateurs, des maîtres, des dieux qui ont le pouvoir surtout, mais uniquement des intercesseurs pour les aider à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, si toi tu vas venir pour débattre avec une personne aujourd'hui qui adore les tombes, parce qu'il y a des gens dans les pays musulmans malheureusement, hein, au lieu d'adorer Allah seul, il prie à des gens qui prient à des tombes, qui adorent dans ces tombes-là. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ces tombes? Il y a des hommes qui ont vécu dans le passé, des fois 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, des fois plus que 200 ans. Hein? Et c'est des gens qui dans le passé ont fait beaucoup de bonnes choses. Hein? Et donc eux, ils vont à cette tombe et ils demandent à la personne qui est dans la tombe de les aider, de les guérir, de leur donner la baraka ou des choses de ce genre. Ça, c'est du shirk. Mais lorsque tu vas aller voir ces musulmans-là ou ces gens qui se disent musulmans, qui font ces choses-là, tu leur dis, hein, pourquoi vous faites ça? Ce que vous faites, c'est la même chose que les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient les idoles. Hein? Donc pourquoi vous faites ça? Eh bien eux, ils vont répondre et ils vont dire, moi je sais que ce wali, hein, cet homme pieux qui est dans la tombe, il ne peut pas me profiter, il ne peut pas me nuire. Hein? Mais c'est un homme pieux. Et je veux qu'il intercède pour moi auprès d'Allah. C'est-à-dire que lui, étant donné qu'il était pieux, il est très rapproché d'Allah. Donc, je lui demande à lui, lui il va demander à Allah pour moi. Parce que lui, il était un bon musulman, il était pieux. Donc lui, il va demander à Allah, hein, pour moi. Et à cause de ça, Allah va accepter son invocation en ma faveur. C'est ça leur argument. Et donc, le cheikh, il explique. Ça, c'est du shirk. Hein? C'est du shirk. Si tu veux demander, tu dois demander à Allah directement, pas passer par quelqu'un pour aller à Allah, non. Et donc le cheikh il donne l'exemple de ça. Il dit que la shafa'a, hein, en réalité, il faut savoir que, il dit, la shafa'atu fiha haqqun wa fiha ba'til, wa shafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha shartan. Donc l'intercession, il y en a deux catégories. Il y a une intercession qui est bonne, qui est valable, qui est correcte, puis il y a une intercession qui est fausse, et qui est rejetée. L'intercession qui est correcte, et qui est authentique, et qui est acceptée, elle doit respecter deux conditions. L'intercession qui est valable et qui est correcte, elle doit respecter deux conditions. Combien de conditions? Deux conditions. La première condition, antakuna bi idhnillah, elle doit être faite, cette intercession, par la permission d'Allah. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shartu thani antakuna an yakuna al mashfu' fihi min ahli at-tawhid, ay min usat al-muwahhidin. La deuxième condition, c'est que cette intercession-là, elle doit être ou bien plutôt l'intercession qu'on fait ou qu'on demande, la personne pour qui on demande cette intercession doit faire partie des gens du tawhid, et c'est-à-dire qu'il doit faire partie des musulmans qui ont commis des gens qui sont sur le tawhid, même s'ils ont commis des péchés, hein, s'ils ont commis des péchés, mais malgré tout ils sont sur le tawhid, d'accord. Donc la première condition, il faut que cette intercession soit faite par la permission d'Allah, c'est-à-dire Allah doit le permettre. Deuxième condition, la personne pour qui on intercède doit faire partie des gens du tawhid. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit un mushrik. Il faut que ce soit un musulman, hein, un musulman, quelqu'un qui n'est pas sur le shirk. Donc si une de ces deux conditions-là n'est pas présente, hein, si on a contredit une de ces deux conditions, l'intercession en question sera fausse, ne sera pas bonne, ne sera pas valable. Et les preuves de ça, c'est dans les versets, comme par exemple le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qui est celui qui pourra intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui est celui qui pourra intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Donc c'est-à-dire que personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et il dit dans le verset 28 dans Surat Al-Anbiya: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. C'est-à-dire, ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Et ce sont les musulmans qui ont été sur le tawhid et qui sont morts avec certains péchés. Allah va permettre qu'on intercède en leur faveur au jour de la résurrection. Tandis que le kafir ou le mushrik, eh bien, l'intercession des intercesseurs ne sera d'aucun profit, d'aucun bienfait pour eux. Celui qui est mort sur le shirk, ou qui est mort dans le kufr majeur, l'intercession des intercesseurs ne sera pour eux d'aucune utilité. La preuve de ça, le verset 18 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. C'est-à-dire que pour les injustes, c'est-à-dire les mouchriquins, il n'y aura pas d'amis chaleureux, il n'y aura pas non plus d'intercesseur obéi. Et la preuve de l'intercession, est dans la parole d'Allah dans Sourate Yunus, le verset 18. Ça, c'est la suite de la parole de cette qaïda de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il continue la qaïda en disant: وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَا كَانَتْ تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Donc الشيخ il explique, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que la preuve de l'intercession, c'est-à-dire que ces gens-là, ils adoraient les idoles dans le but de se rapprocher d'Allah et de prendre ce qu'ils prennent comme associés ou alliés en dehors d'Allah, ils les prenaient comme étant des intercesseurs pour intercéder pour eux auprès d'Allah. La preuve, c'est dans le verset 18 dans Surat Yunus, qu'on a mentionné tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Le cheikh il dit que en réalité l'intercession se divise en deux catégories. Il y a l'intercession qui est niée par Allah, c'est-à-dire il nie que cette intercession-là soit valable, et l'autre intercession c'est celle qui est affirmée par Allah, c'est-à-dire il affirme que l'intercession sera possible. Et l'intercession qui est niée par Allah, c'est l'intercession qui est recherchée d'autre que Allah. C'est quand on demande l'intercession d'autre que Allah dans ce que seul Allah peut faire, donc si on demande à autre que Allah dans ce que personne ne peut faire excepté Allah, eh bien, ça c'est une intercession qui est rejetée et qui ne sera pas possible. Et la preuve, c'est dans le verset 254 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance avant que vienne un jour dans lequel il n'y aura ni commerce, ni commerce ni khulla, j'ai oublié le terme khulla, et l'autre terme qui est mentionné c'est wala shafa'a, dans lequel il n'y aura pas de commerce ni de khulla et ni d'intercession. Et al khulla Je vais juste vérifier la signification dans le verbe. Hein? L'amitié? Non. Donc l'amitié, il n'y aura pas d'amitié. C'est-à-dire tes amis ne pourront pas te venir en aide ce jour-là ou te secourir ou t'aider et il n'y aura pas non plus d'intercession. De quelle intercession on parle ici? Il n'y aura pas d'intercession. C'est l'intercession qui est niée. Et l'intercession qui est niée, on l'a mentionné, c'est l'intercession qui est demandée à autre qu'Allah, dans ce que personne ne peut faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va donner des exemples de ça. Donc, Allah, il termine le verset en disant « Wal kafiruna humu dhalimun » et les non-croyants, les mécréants, sont les injustes. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il termine son explication en disant que ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. C'est ça. Donc, beaucoup de gens ont entendu parler de l'intercession, mais ils ne connaissent pas sa vraie signification. Et ils sont allés la demander à autre que Allah, hein, sans la permission d'Allah. Et ils l'ont demandé pour celui qui est mushrik, pour celui qui fait le shirk avec Allah, et dont l'intercession, hein, ou celui pour qui l'intercession ne pourra pas être utile ou bénéfique au jour de la résurrection. Et donc ça, c'est la raison de ça, c'est parce que les gens ignorent la réalité de l'intercession qui est vraie et qui est valable, et ils ne peuvent pas la distinguer de celle qui est fausse et qui est rejetée. Donc l'intercession, elle est, comme on a dit, de deux catégories. Une shafa'a que Allah a niée, une intercession que Allah a niée, c'est une intercession qui est faite sans la permission d'Allah, hein? Donc elle ne pourra pas, hein? Personne ne pourra intercéder ou demander l'intercession excepté par la permission d'Allah. Et il dit que même la meilleure des créatures, le dernier des messagers et des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voudra intercéder au jour de la résurrection pour les gens qui attendent le jugement au jour de la résurrection, il devra se prosterner, hein, devant son Seigneur et l'invoquer et le glorifier et faire ses éloges. Et il restera prosterné dans cette position et en demandant l'intercession à Allah jusqu'à ce qu'il lui soit dit « Lève ta tête, demande, et tu parles et tu seras écouté, demande et demande l'intercession et tu pourras intercéder. » Donc c'est pour dire qu'il ne pourra pas intercéder avant que Allah lui donne la permission. Hein? Donc il ne va intercéder qu'après avoir reçu la permission de le faire. Après, donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit « L'intercession qui est affirmée, c'est celle qui est recherchée uniquement et demandée uniquement d'Allah. » Et il dit que l'intercesseur, la personne qui intercède, sera honorée par l'intercession. Et la personne pour qui on demande l'intercession doit faire partie de ceux pour qui Allah a été, de qui Allah a été satisfait. C'est-à-dire, Allah doit être satisfait de lui. Allah doit être satisfait de la personne pour qui on demande l'intercession. C'est-à-dire, il doit faire partie des gens du tawhid. Il ne peut pas faire partie des mushrikins. Il dit, « Man radiya, hein, man radiya Allahu qawlahu a'malahu ba'da al-idhn. » Donc, la personne pour qui l'intercesseur pourra intercéder, c'est celui dont Allah sera satisfait et dont il aura agréé les actions et dont il aura agréé la parole après avoir reçu la permission, après la permission d'Allah. Et il cite le verset qu'on a mentionné tout à l'heure dans Surat Al-Baqarah, verset 255. Ça c'est dans Ayatul Kursi, verset 255. Qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission? Personne. Hein, la réponse à ça, c'est personne. Allah pose la question. Et qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission? La réponse à cette question, c'est personne. Personne qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Tandis que les êtres humains, hein, les hommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas intercéder auprès de lui sans sa permission? Non. Hein? Même les rois, les présidents, les dirigeants, les hommes importants, on intercède auprès d'eux. Hein? Les gens qui sont parmi leurs proches, hein? Parmi les gens qui sont rapprochés des rois, des gens proches d'eux, leurs ministres, leurs conseillers, hein? ils intercèdent auprès d'eux, hein? sans leur permission. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Même le plus rapproché des hommes. On a vu l'exemple de ça tout à l'heure. Le cheikh, il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, « وَالشَّفَعَةُ الْمُثْبَتَهِيَا أَلَّتِي تَكُونُ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ فَالْمُشْرِكْ لَا تَنْفَعُهُ شَفَعَةً وَالَّذِي يُقَدِّمُ الْقَرَّابِينَ لِلْقُبُورِ وَالنُّذُورِ لِلْقُبُورِ هَذَا مُشْرِكْ لَا تَنْفَعُهُ الشَّفَعَةً وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله وتطلب لمشرك أو تطلب لمشرك والشفاعة المثبتة. Donc on va traduire ça. Le cheikh dit que la shafa'a qui est affirmée, c'est celle qui est faite pour les gens du tawhid. Celle qui est faite pour les gens du tawhid. Et donc le mushrik ne pourra pas profiter d'une intercession. Et par exemple, celui qui rapproche, qui donne des offrandes aux tombes, et qui fait des sacrifices et des vœux pour les tombes et pour les tombeaux, celui-là c'est un mushrik. Celui qui ramène des sacrifices et des offrandes pour les tombes, celui-là c'est un mushrik. Hein? Ou celui pour qui on demande l'intercession, c'est un mushrik. Est-ce que cette intercession sera acceptée? Non. Donc, celui qui se rapproche des morts et des tombes et qui offre des sacrifices aux tombes et qui fait des vœux pieux pour les tombes, est-ce que lui, on peut intercéder pour lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il fait du shirk. C'est un mushrik. Donc, on ne peut pas intercéder pour lui. Donc, l'intercession qui est niée, c'est celle qui est recherchée sans la permission d'Allah et qui est faite pour offerte ou faite pour demander pour un mushrik. Cette intercession là elle est reniée. Wash-shafa'atul muthbata, l'intercession qui est affirmée, c'est celle qui est faite après avoir reçu la permission d'Allah et qui est faite pour les gens du tawhid. Ça c'est la fin de la deuxième règle au sujet de cette question de shafa'a. La troisième règle, القاعدة الثالثة, أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم, منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأحجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر, وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans cette troisième qaïda, la troisième règle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est apparu chez des gens qui adoraient toutes sortes de choses et ils étaient divisés dans leurs objets d'adoration ou dans les choses qu'ils adoraient. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les anges. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les hommes pieux et les prophètes. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les pierres et les arbres. Et il y avait parmi eux également ceux qui adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus, sans exception. Il n'a pas fait de distinction entre eux selon leur objet d'adoration. Hein? Il n'a pas dit, je vais seulement combattre ceux qui adorent des idoles, mais je ne veux pas combattre ceux qui adorent des prophètes, ou qui adorent des anges, ou qui adorent des arbres, ou qui adorent des pierres. Non, il n'a pas distingué. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, il explique donc cette troisième règle. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à des hommes parmi les mouchriquines, et parmi eux certains adoraient les anges, d'autres le soleil et la lune, d'autres les idoles, d'autres les pierres, d'autres les arbres. Certains d'entre eux adoraient les hommes pieux et les saints. Hein? Et il dit que ça c'est la laideur du shirk. Ça montre aussi, une des exemples qui montre la laideur du shirk, c'est que les gens qui sont sur le shirk, ils ne peuvent pas se réunir sur une chose unique. Ils ne peuvent pas être unis sur une seule chose. Pourquoi? Parce que ils adorent tous des choses différentes. Donc ils ne peuvent pas être réellement unis. D'accord? Et le cheikh, il dit que, contrairement aux muwahhidin, contrairement aux gens du tawhid, parce que ce qu'ils adorent est une divinité unique. On adore tous le même Dieu. On adore tous Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple de ça, c'est dans le verset que j'ai cité hier, le verset 39 et 40 dans surat Yusuf alayhi salam. Quand Yusuf alayhi salam était dans la prison et qu'il s'adressait aux prisonniers qui étaient avec lui, les Égyptiens, qui faisaient du shirk à cette époque, les Égyptiens de l'époque, c'est l'Égypte antique, les gens ils adoraient le dieu soleil, Osiris, Isis, Ra, le dieu soleil, et toutes sortes d'autres divinités. C'est ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et donc Yusuf alayhi salam leur a dit: Arbabun mutafarriqun khayrun am Allah al-wahid al-qahhar? Est-ce que des seigneurs séparés, divisés, sont mieux, ou bien d'adorer Allah, l'unique et le contraignant, celui qui est le maître de toutes choses? Et parmi les effets négatifs du shirk et les choses qui montrent la fausseté du shirk, il y a le fait que les gens donc qui adorent autre que Allah et qui sont divisés dans leurs adorations et qui adorent différentes choses, ils ne peuvent pas être réunis par un principe unique, par une chose unique. Et c'est pour ça que ils ne peuvent pas être réunis sur un seul principe, sur une seule règle. Ils ne font que suivre leur passion. Ils suivent uniquement des prétentions et des égarements. Le cheikh, il mentionne l'exemple qui montre leur division dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 29, dans surat Az-Zumar, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Ce verset qui signifie: Allah subhanahu wa ta'ala a donné en parabole l'exemple d'un homme, l'exemple d'un homme qui appartient à plusieurs associés, un homme qui est esclave et il a plusieurs maîtres. Et chacun de ses maîtres se dispute entre eux à son sujet. Pourquoi ils sont disputés? Ils se disputent entre eux à son sujet parce que chacun veut que cet esclave-là fasse quelque chose pour lui en même temps. Donc vous imaginez par exemple quelqu'un, il appartient à 10 maîtres. Il a 10 maîtres. Le premier maître lui dit: je veux que tu laves le plancher. Le deuxième maître, il lui dit: je veux que tu peignes les murs, que tu mettes la peinture sur le mur. Le troisième maître dit: je veux que tu ailles acheter des tomates au marché. Le quatrième maître dit: je veux que tu nettoies le plafond. Le cinquième maître dit: je veux que tu ailles chercher de l'eau. Le sixième, le septième, jusqu'au dixième. Chacun, il demande quelque chose de différent à cet esclave. Et ils se disputent entre eux. Pourquoi? Parce que chacun veut que cet esclave fasse ce qu'il a demandé en premier. Quand l'esclave va faire une chose, l'autre maître il dit: toi, pourquoi tu dis à cet esclave de faire ça? Moi je veux qu'il fasse ça, je veux pas qu'il fasse ce qu'il fait maintenant. Je lui ai dit de laver le plancher, et toi tu lui dis d'aller faire les courses ou d'aller faire ça. Donc les maîtres ils se disputent entre eux au sujet de cet esclave-là, parce que cet esclave a plusieurs maîtres. Et lui, l'esclave en lui-même, il ne sait plus auquel obéir. Il est mélangé, il est confus dans ce qu'il doit faire, et eux, les maîtres, entre eux, ils se disputent à son sujet. Ça, c'est l'exemple du mushrik. Et l'autre exemple, وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. Et l'autre, c'est un esclave, mais il appartient à un seul maître. Hein? Il est en, son maître est en paix avec lui et lui, il sait qu'est-ce que son maître veut de lui. Donc, il n'a pas de conflit, il n'a pas de problème. Hein? Et donc, c'est facile pour lui de satisfaire son maître. Ça, c'est l'exemple du musulman, l'exemple du muwahhid, celui qui est sur le tawhid. Et donc, le cheikh, il dit, hein, il cite ce verset dans lequel Allah dit ensuite, هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا. Est-ce que ces deux exemples-là sont comparables? Est-ce qu'ils sont égaux? Alhamdulillah, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc le cheikh, il dit, celui qui adore Allah seul est comme celui qui est l'esclave d'un seul maître. Il est en repos avec lui, il est reposé avec lui. Hein? Et l'esclave, il sait qu'est-ce que son maître veut de lui, il sait ce qu'il exige de lui, et donc il est en repos avec son maître. Tandis que le mushrik, c'est celui qui a plusieurs maîtres, il ne sait plus lequel d'entre eux satisfaire, et chacun d'entre eux a un désir ou une passion qu'il veut, hein, que l'esclave accomplisse pour lui, et chacun d'entre eux demande quelque chose, hein, et donc il ne sait pas lequel satisfaire, hein. Ils ont tous un désir ou un besoin, et chacun veut que cet esclave-là obéisse son ordre. Et donc, Allah, il a donné cet exemple de ses maîtres qui se disputent entre eux à cause de ça. Donc, ça, c'est l'exemple du mushrik et l'exemple de celui qui est sur le tawhid. Donc, les mushrikoun, c'est ça leur exemple. Ils sont divisés dans leurs adorations et dans ce qu'ils adorent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus sans faire de distinction entre eux. Il a combattu les idolâtres, il a combattu les juifs, il a combattu les chrétiens, il a combattu les majus, hein, ceux qui adorent le feu. Et il a combattu toutes les différentes catégories de mushrikines, peu importe ce qu'ils adoraient. Et il a combattu ceux qui adorent les anges aussi, et ceux qui adorent les hommes pieux, et qui adorent les prophètes. Il n'a pas fait de distinction entre eux. Et donc ça réfute ceux parmi les kuffars qui disent, hein, que celui qui adore l'idole et la statue, il n'est pas comparable à celui qui adore un homme pieux ou qui adore les anges. Hein? Ils disent les idoles et les statues. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui adorent des statues. Vous avez déjà vu ça? Vous avez entendu parler de ça? Bon, dans certains pays, même ici au Canada, il y en a des gens comme ça. Ils ont des temples, les hindous, les bouddhistes et l'autre, même les chrétiens, dans leurs églises, ils ont des statues, ils les adorent. Ils se mettent à genoux devant, ils se prosternent devant, hein, ces statues-là, et ainsi de suite. Donc ces gens-là, hein, ils adorent des idoles. Mais il y en a d'autres parmi les gens qui font du shirk et ils se disent musulmans. Et eux, ils n'adorent pas de statue. Et ils ne se prosternent pas à une statue. Donc ils disent, nous, on n'est pas pareil que ceux qui adorent des statues, des idoles parmi les mushrikins. Parce que nous on adore, hein, on prie à des hommes pieux, des musulmans qui étaient des grands hommes, qui ont fait des bonnes choses. Donc, comment tu peux nous comparer à des idolâtres qui prient à des statues? C'est ça leur argument. On prie à des anges, on demande à des anges, on demande à des prophètes, on demande à des hommes pieux, tandis que eux, c'est des gens, ils adorent des diables, ou ils prient à des statues, ou des choses comme ça. Hein? Ou bien d'autres prient à des arbres, ou ils prient à des objets inertes, et ils les adorent en dehors d'Allah. Tandis que celui qui demande à un homme pieux, et à un wali, quelqu'un qui est rapproché d'Allah, hein? Ça c'est pas pareil pour eux. Est-ce que vous comprenez leur distinction, qu'est-ce qu'ils essaient de dire? Hein? Vous comprenez qu'est-ce qu'ils essaient de dire, ces gens-là? Ils essaient de dire, nous, on n'est pas des mushrikines. C'est ça qu'ils essaient de dire. Ils essaient de dire que les mushrikines, c'est seulement ceux qui adorent les idoles. Mais que si quelqu'un, il adore un prophète, comme si quelqu'un, il prie à un prophète, comme le prophète Mohammed, ou le prophète Isa, alayhissalam, où il prie à un ange, Jibril, demande à ceux-là en dehors d'Allah. Ils disent, nous, on n'est pas des mushrikines parce qu'on demande à des prophètes. On demande à des anges, on demande à des hommes pieux, hein, qui faisaient des bonnes choses. Donc on n'est pas des mouchriquins. Les mouchriquins, c'est ceux qui adorent les idoles seulement. Et la preuve que ça c'est faux, c'est ce que le cheikh est en train d'expliquer, que non. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, parmi les gens qu'il a combattu, il y avait des gens, ils priaient à des statues, c'est vrai, mais il y en avait d'autres, ils ne priaient pas à des statues, ils priaient à des hommes, priaient à des gens pieux, priaient à des anges, priaient à des prophètes, et il les a combattus eux aussi avec les autres mouchriquins. Il n'a pas fait de différence entre un ou l'autre. C'est ça qu'il est en train d'expliquer le cheikh ici maintenant. C'est pour dire que le mouchrik, c'est pas seulement celui qui adore une idole. Si quelqu'un aujourd'hui se dit musulman, dans un pays musulman, puis que quand il veut quelque chose, il s'en va à la tombe d'un cheikh ou d'un imam, puis il va à la tombe, puis il demande à celui qui est dans la tombe, il y a un cheikh foulan, hein, il y a un cheikh foulan, arithna, donne-nous ça, il demande à la tombe, ça c'est du shirk, la même chose que celui qui demande à l'idole, c'est la même chose. Même si l'apparence, ce n'est pas une idole ou ce n'est pas une statue. C'est une tombe, mais c'est une idole aussi. Même si ça n'a pas la forme d'une statue. Vous comprenez? Même si ce n'est pas une statue, c'est quand même une idole. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence ou par la forme. Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'il faut que ça ait une forme de statue. Celui qui adore une vache ou qui adore une forme de singe ou un dieu en forme de monstre avec 8 bras, hein? Ou bien un bonhomme avec une tête d'éléphant, il se prosterne devant ça, tu dis, ah ça c'est du shirk, ça c'est un mouchrik. Puis l'autre qui est dans un pays musulman, il se prosterne devant une tombe d'un homme pieux ou d'un cheikh, il dit, mais non, ça c'est pas du shirk, hein? C'est pas une statue ça. Même si c'est pas une statue, c'est du shirk quand même. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc le cheikh il dit, ils veulent par cela, hein, essayer de dire que l'adoration des tombes aujourd'hui, c'est pas le même verdict que celui qui adore des statues ou des idoles. Donc eux, on peut pas dire que ce sont des koufars ou des mouchriquins. Hein? Ils considèrent pas ce qu'ils font comme étant du shirk. Ils considèrent pas que c'est permis de les combattre. Comme s'ils disent, comment tu peux combattre ces gens-là? C'est des musulmans. Ils disent la ilaha illallah. Hein? Ils adorent pas des idoles. Ils adorent pas des idoles, dans le sens qu'ils adorent pas des statues, mais ils adorent des choses en dehors d'Allah, des êtres en dehors d'Allah, et ça c'est du shirk, même si c'est pas une statue. D'accord? Donc le cheikh il dit Fanapol. Donc on va dire, le messager il n'a pas fait de distinction entre eux. Il a considéré tous ces gens-là comme étant des mouchriquins, et il a rendu leur sang et leur bien halal, et il n'a pas fait de différence entre eux. Donc ceux qui adorent Jésus, le Messie, hein, qui est un messager d'Allah, malgré ça, il les a combattus aussi, les chrétiens. Le prophète s'en a combattu les chrétiens malgré qu'il prie à un prophète. Hein? Il n'a pas dit, ah, si tu pries à un prophète, vous priez à un prophète, donc vous êtes correct. Vous n'êtes pas des mouchriquins. Les mouchriquins, c'est juste ceux qui adorent des statues, qui ne sont pas des prophètes. Non. Hein? Les juifs qui prient à Al-Uzair, qui adore Al-Uzair, ou d'autres qui adorent d'autres prophètes parmi les messagers, ou d'autres qui adorent les hommes pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toutes combattus sans faire de distinction. Et donc le cheikh il dit que le shirk, quand quelqu'un fait du shirk, on ne fait pas de distinction entre ce qu'il adore, que ce soit un homme pieux, ou que ce soit une statue, ou que ce soit une idole, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, que ce soit autre chose, le shirk, c'est d'adorer quelque chose autre que Allah. Peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah. Donc si tu adores quelque chose en dehors d'Allah, c'est du shirk. C'est quoi le shirk? C'est quoi le shirk? Exactement. Et si tu adores quelque chose en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, tu as commis du shirk. D'accord? Et donc, la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, « Wa'abudullah wa la tushirku bihi shay'a. » Et le cheikh, il dit que la parole, quand Allah dit « shay'a », ça veut dire n'importe quelle chose, n'importe quelle, « shay'an », une chose quelconque, peu importe la chose, peu importe que ce soit un homme pieux ou autre, une tombe ou une idole, ou peu importe. ça comprend tout ce qui peut être associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des anges, que ce soit des messagers, hein, que ce soit yani des hommes pieux, des pierres, des roches, des arbres, hein. Une fois j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais parti en Côte d'Ivoire, et sur le chemin de retour, j'étais dans l'avion, il y avait un comité de catholiques, hein, ivoiriens qui s'en allaient en Europe pour un colloque sur la religion catholique. Et il y avait des prêtres, il y avait des gens qui étaient là dans l'avion, tous c'était des gens qui étaient, hein, des catholiques. Et à côté de moi, avec quelqu'un, avec un livre, c'est écrit sur le titre du livre, c'est la prière pour les anges, c'est-à-dire de prier aux anges. Comme si ils enseignaient dans ce livre-là qu'il faut prier, demander à des anges. Alors moi, j'ai dit à la personne, j'ai dit, n'est-ce pas que prier les anges, ça c'est de l'idolâtrie, hein? C'est une forme d'idolâtrie. Même si tu dis pas que c'est, même si les anges on les voit pas et c'est pas une statue, hein, qu'on se prosterne devant. Donc quelqu'un pourrait penser, mais non, ça c'est pas du shirk, hein? Mais c'est du shirk quand même, parce que tu pries à quelque chose autre que Allah et t'as pas le droit de demander. Même si tu sais que les anges sont envoyés par Allah pour te protéger et pour écrire les bonnes œuvres ou les mauvaises et ainsi de suite. Mais tu n'as pas le droit de demander à l'ange directement quelque chose. Si tu veux quelque chose, tu ne demandes pas à l'ange, tu demandes à Allah seul. Si tu demandes à l'ange, ça c'est du shirk. Tu deviens un mushrik kafir si tu fais ça. Tu n'es plus musulman. Si tu demandes à l'ange, au lieu de demander à Allah, tu deviens kafir. Même si hein, tu penses que tu es musulman. Tu n'es plus musulman quand tu fais ça. Parce que le musulman, c'est seulement celui qui adore juste Allah seulement. Si quelqu'un, il prie à quelque chose autre que Allah, et il dit que je suis musulman, c'est un menteur. Il a menti. Parce que en priant à quelque chose autre que Allah, il a détruit son islam. Il a annulé son islam. Son islam, il n'est plus valable. Il n'est plus vrai. D'accord ? Et le cheikh il dit ensuite, والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين لله ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. ودليل الأحجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. Donc ça c'est la suite de cette troisième règle. Et le cheikh il dit que la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans exception, c'est le verset 193 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et la fitna c'est le shirk, et que la religion soit tout entière à Allah seul. Et la preuve qu'ils priaient le soleil et la lune, c'est dans le verset dans sourate Fussilat, le verset 37, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, il y a la nuit et le jour et le soleil et la lune, ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune. Et la preuve qu'il priait les anges, hein, certains d'entre eux adoraient les anges, le verset 80 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme des égaux et des seigneurs avec Allah. Et la preuve qu'ils adoraient des prophètes et des hommes pieux, des prophètes. C'est le verset 116 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le dialogue qu'il va y avoir entre lui et Isa alayhi salam au jour de la résurrection. Il dit, et lorsque Allah dit à Isa, « Oh, Isa ibn Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah ?» Isa, il va répondre en disant, « Gloire à toi, je ne pouvais pas dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Hein? Tu sais ce qu'il... si je l'aurais dit, tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es certes le connaisseur de l'invisible. » Et la preuve qu'ils adoraient des hommes pieux, c'est le verset 57 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ceux-là, ceux qu'ils invoquent hein, et qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher plus d'Allah et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. » Et la preuve qu'ils priaient à des pierres et à des arbres, c'est le verset dans Surat Al-Najm dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى » Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, la troisième, l'autre troisième, c'est-à-dire la troisième idole qu'ils adoraient. Hein? Et le hadith qui est rapporté selon Abu Waqid Al-Layfi, radiyallahu anhu, qui mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont sortis vers Hunayn. Vous connaissez Hunayn? Hunayn, c'est un endroit qui est à une certaine distance de Mecca. Et les mouchriquins, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, hein, dans la ville de Hunayn, il y avait des mouchriquins, ils ont dit, ah, ça y est, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a repris la Mecque, donc maintenant, on va hein, combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les attaquer. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est dirigé directement, après avoir pris la Mecque, vers la ville de Hunayn pour les combattre. Direct. Mais parmi ceux qui sont partis à Hunayn avec lui, il y en a qui venaient juste de se convertir à la Mecque, qui venaient juste d'accepter l'islam, ils sont nouveaux. Ils n'ont pas encore appris l'islam, ils n'ont pas encore appris le tawhid. Et parmi eux, il y en a qui sont passés à côté d'un arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, est passé près d'un arbre et c'est sur cet arbre les mouchriquins accrochaient leurs épées. Et ils croyaient, ils avaient une croyance, les mouchriquins, que si tu accroches ton épée sur cet arbre, l'épée va devenir plus puissante, l'épée va devenir plus forte, à cause de la bénédiction qu'il y a dans cet arbre. Alors, quand ils ont continué leur chemin, ils ont vu sur le chemin qu'il y avait un autre arbre, et ils ont donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu peux désigner pour nous cet arbre pour qu'on puisse accrocher nos épées dessus nous aussi pour que ça les rende plus puissantes de la même manière que les mouchriquins eux aussi ont des arbres comme ça. Donc nous on va avoir un arbre islamique avec une baraka dedans comme ça on peut mettre nos épées dedans comme les mouchriquins eux ils ont leur arbre. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça il a été choqué. Il a dit, ce que vous me demandez maintenant là, c'est la même chose que les enfants d'Israël ont demandé à Moussa. Hein, de nous faire, fais-nous une idole comme les autres ont une idole. Hein, parce qu'il a considéré que cet arbre dans lequel les mouchriquins accrochent leurs arbres, ça c'est une forme d'idole. Et c'est du shirk. Donc, que ce soit un arbre qui est utilisé par les mouchriquins ou un autre arbre, là, ça reste du shirk quand même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que ça, non, c'est pas islamique, c'est du shirk. Hein? Et donc, on va expliquer donc, les paroles de Cheikh Ibn Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il a mentionné au sujet de ces différents points-là. Et le Cheikh, il dit, on était rendu à la dalil, donc les preuves maintenant, le Cheikh Al-Fawzan il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a combattu les mouchriquins comme Allah il dit dans le verset qatiluhum hatta la yakuna fitna, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et ça c'est la preuve que on doit combattre les mouchriquins sans faire de différence entre eux et ce qu'ils adorent, peu importe ce qu'ils adorent, combattez-les, ça c'est général pour tous les mushrikin. Et il n'a pas fait de distinction entre eux. Thumma qal, puis il a dit, hatta la takuna fitna. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Qu'est-ce que ça veut dire la fitna? Dans ce verset, la fitna, c'est le shirk. C'est le fait d'associer avec Allah. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit, combattez les mushrikin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Et que la religion tout entière appartienne à Allah. Et ça c'est général. Donc peu importe le shirk, que ce soit du shirk qui est fait par le fait d'adorer des hommes pieux, ou des arbres, ou des pierres, ou le soleil, ou la lune. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et que la religion tout entière, l'adoration tout entière soit pour Allah seul, sans aucun associé et partenaire dedans pour une chose quelconque en dehors d'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre les différentes formes de shirk que faisaient les mushrikins, qu'ils adorent des hommes pieux ou des saints, ou des arbres, ou des pierres, ou des diables, ou autres. Il y en a qui disent, oui mais, on adore, les mushrikins et les kuffars, ils prient à des diables. Ils prient à des diables. Nous, on prie à des hommes pieux, on prie à des musulmans, on prie à des prophètes d'Allah. Ça, c'est pas la même chose. Oui, mais ceux qui adorent les prophètes et les hommes pieux, c'est le shaitan qui a poussé les gens à les adorer. Donc, ceux qui adorent les hommes pieux en dehors d'Allah, ils adorent le shaitan en même temps. Même s'ils pensent qu'ils n'adorent pas le shaitan, c'est le shaitan. Parce que c'est le shaitan qui est derrière ce shirk. Hein? Et en ce qui concerne l'autre preuve qui est mentionnée au sujet du soleil et de la lune, il y a des preuves donc que dans ce verset, dans surat Fussilat, qu'il y en a parmi les mushrikines qui se prosternaient au soleil et à la lune. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de prier lors du lever du soleil et lors du coucher. Donc après Salat al-Asr, on n'a pas le droit de faire des prières. Et après Salat al-Fajr, on n'a pas le droit de faire des prières. Parce que, justement, pour fermer la porte à la ressemblance de ceux qui prient au soleil, au lever et au coucher. Donc dans ces deux moments-là, on n'a pas le droit de prier. Et c'est pour empêcher, justement, de croire que les musulmans adorent le soleil. L'autre preuve qui est au sujet des anges, on a mentionné le verset 80 dans Surat Al-Imran à ce sujet-là. Donc, y a des gens qui adorent des anges et des prophètes. Et ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre que dans ce verset-là, c'est du shirk d'adorer des prophètes et des anges. Tandis que les adorateurs des tombeaux, aujourd'hui, ils disent, celui qui adore les anges et les prophètes et les hommes pieux, il n'est pas mushrik. Considère que ce n'est pas un mushrik. Et la preuve de ceux qui adorent qu'il y en a certains qui adoraient des prophètes, c'est l'exemple qui est mentionné dans le verset 116 dans Surat Al-Ma'ida. Il y en a qui adorent Jésus, il y en a qui adorent Marie, sa mère, alayhi salam. Et donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve que l'adoration des prophètes c'est du shirk, comme l'adoration des idoles, la même chose. Et il y a une réfutation de celui qui fait une distinction entre l'adoration des prophètes et l'adoration des idoles. Et donc ça réfute les adorateurs des tombes aujourd'hui, qui adorent des tombeaux et qui prétendent que ce qu'ils font, c'est pas du shirk. La même chose pour, il dit, il y a également une réfutation de ceux qui disent que le shirk, c'est seulement l'adoration des idoles et qui... qu'il considère que c'est différent d'adorer une idole que d'adorer un homme pieux ou un saint, et il refuse qu'on fasse une comparaison entre l'idole et les hommes pieux. Et il prétend que le shirk se limite uniquement à l'adoration des idoles seulement. Et ça, c'est une erreur de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a renié et réfuté toutes les différentes formes de shirk, sans exception, et il a ordonné de les combattre toutes. Et d'un autre point de vue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction entre celui qui adore une idole, celui qui adore un ange, ou celui qui adore un homme pieux. Et on a mentionné également la preuve de ceux qui adorent les salihin, les hommes pieux. Et il a cité le verset 57 dans Surat Al-Isra. Et à ce sujet, le verset en question, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là, c'est-à-dire ceux qui, yani, ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils invoquent eux-mêmes Allah. Hein? C'est-à-dire que les mushrikoun adorent des êtres qui eux-mêmes adorent Allah. Hein? Et qui cherchent le moyen de se rapprocher le plus possible d'Allah eux-mêmes. Par exemple, Isa, alayhi salam, les chrétiens, ils prient à Isa. Hein? Ils prient à Isa, alayhi salam. Tandis que Isa, lui, il priait à Allah. Hein? Isa, alayhi salam, priait à Allah. Et eux, ils prient à Isa au lieu de prier à Allah. Donc, le cheikh, il dit, ce verset-là, il dit, c'est la preuve que ceux qui invoquent des hommes pieux sont des mouchriquins. Sont des mouchriquins. Et que, donc, il dit que ceux qui adorent les hommes pieux parmi les hommes, et qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, ceux-là, ceux qu'ils invoquent, ils recherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Hein? Et à être le plus près de leur Seigneur. Il y a des ulama qui ont expliqué de deux façons ce verset-là. La première explication, c'est que ce verset a été révélé à propos de ceux qui adorent Jésus et Marie et Uzair parmi les Juifs. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que le Messie, Jésus, ainsi que sa mère, Mariam, et Uzair, ils étaient tous des serviteurs d'Allah. Hein? Et ils cherchaient tous à se rapprocher d'Allah et ils espéraient sa miséricorde et ils craignaient son châtiment. Et ce sont des serviteurs qui ont besoin d'Allah et qui sont dans la demande toujours d'Allah. Ils demandent toujours à Allah quand ils ont besoin de quelque chose. Et c'est lui qu'ils invoquent. Hein? Et c'est vers lui qu'ils cherchent un moyen de se rapprocher par leur obéissance. Ils recherchent un moyen de se rapprocher vers leur Seigneur. Hein? Al-wasila, le terme wasila qui est mentionné dans le verset, ulaika alladhina yabghuna yabtaghuna yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila. Al-wasila, c'est le moyen. Et le moyen en question, c'est l'obéissance à Allah. Hein? Donc, il cherche un moyen de se rapprocher d'Allah par son obéissance et par son adoration. Et ça, c'est la preuve qu'ils ne peuvent pas être aptes à recevoir l'adoration eux-mêmes. Puisque ce sont des hommes, des êtres humains qui eux-mêmes ont besoin d'Allah et qui invoquent Allah. Hein, et qui souhaitent la miséricorde d'Allah et qui craignent son châtiment. Donc, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas eux-mêmes recevoir l'adoration. Puisqu'ils sont eux-mêmes des adorateurs. Comment tu peux adorer des êtres qui sont eux-mêmes des adorateurs d'Allah? Hein? À la limite, tu dois suivre leur exemple et faire comme eux. Pas les adorer eux, mais adorer Allah comme eux adoraient Allah seul. Et la deuxième explication du ulama par rapport à ce verset-là, c'est ceux qui ont dit que ce verset était révélé à propos de certains parmi les hommes, parmi les mushrikins, qui adoraient des djinns. Ils adoraient des djinns. Puis ces djinns-là sont devenus musulmans, hein, sans que ces mushrikins sachent que ces djinns étaient devenus musulmans. Alors, ils continuaient, hein, ces djinns-là, eux, ont commencé à se rapprocher d'Allah et à espérer en Allah sa miséricorde et à craindre son châtiment. Donc, ils sont devenus des serviteurs d'Allah, qui ont besoin d'Allah, et donc ils ne méritent pas, ils ne sont pas aptes à recevoir l'adoration. Puis les mushrikines, eux, ont continué à les adorer malgré tout. Hein. Donc, le cheikh, il explique que dans ce verset, c'est pour dire en fait que ceux que les mushrikines adorent, ils sont des serviteurs d'Allah eux-mêmes. Donc comment pourraient-ils être adorés? Comment pourraient-ils être invoqués? Et donc, il dit que ce verset-là prouve de toute façon qu'il n'est pas permis d'adorer les hommes pieux. Peu importe que ce soit peu importe que ceux qu'ils adorent soient des prophètes, des hommes pieux, des rapprochés d'Allah, des vertueux ou autres. Il n'est pas permis de les adorer. Car ce sont tous des serviteurs d'Allah qui ont eux-mêmes besoin d'Allah. Donc comment pourraient-ils être adorés avec Allah? Et le terme al-wasila qui est employé dans ce verset signifie le moyen. le moyen employé pour se rapprocher d'Allah et la signification de ce moyen, c'est l'adoration et l'obéissance. L'obéissance. Et donc, le cheikh dit qu'en arabe, le terme wasila signifie toute chose par laquelle tu peux arriver à ton objectif ou à ton but. Donc, al-wasila, c'est toute chose par laquelle tu peux arriver à ton objectif et à ton but. Et la chose qui peut t'amener à la satisfaction d'Allah et à son paradis, hein, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est l'adoration d'Allah. Donc, c'est ça qui est le moyen légiféré. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 35, dans surat Al-Ma'ida, « Wabtaru ilayhi al-wasila » et recherchez le wasila vers lui, le wasila vers Allah. Le wasila vers Allah, c'est le wasila qui est légiféré, qui est permis, qui est ordonné par Allah, c'est de l'adorer et de lui obéir. Tandis que ceux qui ont dévié et qui ont falsifié la religion, eux, ils interprètent le wasila en disant que c'est un intermédiaire entre toi et Allah, que tu dois prendre entre toi et Allah un intercesseur ou un intermédiaire pour te rapprocher à lui. Donc quand ils lisent le verset, rechercher un wasila pour aller vers Allah, ils pensent à un homme pieux ou à un saint qui serait un intermédiaire ou un intercesseur. Et ça n'a rien à voir avec le vrai sens de al-wasila. C'est pour ça que vous entendez aujourd'hui beaucoup de soufis, quand ils parlent pour appeler au shirk, ils vont pas dire shirk. Hein, ils vont pas dire il faut faire le shirk et le shirk c'est permis. Ils vont dire le tawassul à la place. Al-tawassul, ça veut dire de chercher le wasila. C'est-à-dire de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et donc ils disent le wasila, c'est de chercher un intermédiaire ou un intercesseur pour te rapprocher à Allah. Hein? Et donc, ça c'est la même excuse que les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisaient pour justifier le shirk qu'ils faisaient en adorant les idoles, lorsqu'ils disaient « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. » Donc c'est le même argument. Et le cheikh il dit « فَمَعْنَا الْوَسِيلَ » La signification de « الْوَسِيلَ » pour les mushrikines, hein, pour ces gens-là aujourd'hui qui déforment le sens de la religion, c'est que tu dois prendre entre toi et Allah un intermédiaire, un intercesseur qui va te présenter à Allah, ou qui va te faire connaître, qui va faire Allah te connaître, et qui va transmettre à Allah tes besoins pour toi, et qui va lui informer, hein, qui va informer Allah à ton sujet. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne te connaissait pas déjà. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait besoin de quelqu'un pour que, hein, pour qu'il te connaisse. Comme les rois parmi les êtres humains. Hein, les êtres humains, par exemple, si toi tu veux intercéder auprès du roi, tu as besoin d'un intercesseur, un intermédiaire. Pourquoi? Parce que le roi, il ne te connaît pas. Et il ne connaît pas tes besoins. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaire et d'intercesseur pour te faire connaître. Il connaît les créatures mieux qu'elles se connaissent elles-mêmes. Il te connaît mieux que toi. Et il sait ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Donc, pourquoi tu aurais besoin d'un intermédiaire ou d'un intercesseur dans ce cas-là? Et donc, le cheikh, il explique et il dit que, ya'ani, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de ça, de quelqu'un pour te présenter ou te faire connaître. Ou bien, c'est comme pour eux l'idée que ils ne peuvent pas t'entendre, excepté, Allah ne pourrait pas t'entendre, excepté si tu prenais des intermédiaires pour que eux te rapprochent d'Allah ou fassent entendre yani, ta prière à Allah. Et donc, c'est pour ça que ils essaient d'utiliser le verset que Allah a mentionné, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 57 dans surat Al-Ma'ida, dans surat Al-Isra, pardon, il l'utilise pour essayer de faire croire aux gens que ça, Al-Wasila qui est mentionné dans le verset, c'est de prendre entre toi et Allah des intercesseurs et des intermédiaires. Et que ça, c'est légiféré dans l'islam. Et le cheikh, il dit que ça, il n'y a pas de doute que c'est, hein, que c'est un mensonge, que c'est faux. Parce que ceux dont Allah parle dans le verset, c'est ceux que Allah a agréés parmi des serviteurs, ceux qui n'adorent que Allah. Hein, c'est des gens qui étaient vertueux et qui ne recherchaient d'autres moyens que l'adoration et l'obéissance à Allah pour se rapprocher de lui. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi. Donc eux, ils ont dit de prendre un wasila vers lui, c'est-à-dire un intermédiaire. Donc ça, c'est une déformation du sens de ce verset-là, parce que al-wasila, le moyen qui est légiféré dans le Coran et dans la Sunna, c'est l'obéissance qui rapproche d'Allah. Aussi, le tawassul, hein, le fait de prendre un wasila, ça peut être aussi d'invoquer Allah par ses noms et par ses attributs. Ça aussi, ça fait partie des formes de tawassul qui sont légiférées. Et les ulama, de façon générale, ils ont divisé la tawassul en deux catégories. Une tawassul qui est sunna, qui est permise, qui est légiférée, et c'est soit d'invoquer Allah par ses noms et par ses attributs, ou bien d'invoquer Allah et de lui demander par rapport à une action que tu as fait, une bonne chose que tu as fait, et que tu l'as fait avec ikhlas, avec sincérité, puis tu demandes à Allah de t'exaucer ou de te donner, hein, par rapport à cette action-là que tu as fait, tu dis: oh Allah, j'ai fait telle action pour toi et je te demande par cette action-là de m'exaucer, hein, comme les trois hommes qui étaient pris dans une caverne, dans une grotte, et qu'il y a un rocher qui est tombé devant l'entrée de cette grotte, et chacun d'entre eux a invoqué Allah en mentionnant une action qu'il avait faite, et à chaque fois que l'un d'entre eux a mentionné une action, le rocher s'est retiré petit à petit de l'entrée de la grotte, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux demande à Allah par l'action qu'il avait faite, et Allah les a donc, hein, sauvés et retirés complètement le rocher. Donc ça, c'est une forme de tawassul qui est légiférée. Et la troisième forme de tawassul qui est légiférée, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation d'un homme pieux, comme par exemple quelqu'un qui est vivant, qui est présent, et il part en voyage. Par exemple, quelqu'un qui s'en va au hajj ou à la umrah, tu lui dis: ya akhi, invoque Allah pour moi, fais des doigts pour moi, hein, quand tu seras en voyage, hein, ça c'est permis. Qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est de demander à un mort d'invoquer pour toi. C'est ça que les gens de Bid'a, ils ne font pas la différence entre ça et l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont demander à quelqu'un qui est mort, hein, ou bien ils vont demander à quelqu'un qui est à des kilomètres, qui ne peut pas les entendre et qui ne peut pas les voir, et ils vont leur dire, ils vont leur demander de, hein, faire quelque chose pour eux, ou d'invoquer Allah pour eux. Non, tu ne peux pas faire ça. Si quelqu'un, tu veux lui demander de faire quelque chose pour toi, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit présent, et il faut que la chose que tu lui demandes soit quelque chose qu'il est capable, que c'est pas quelque chose que c'est seulement Allah qui est capable de faire. Si tu lui demandes quelque chose que c'est seulement Allah qui est capable de faire, ça rentre dans le shirk, dans ce cas-là. D'accord? Donc ça, c'est ça les formes de tawassul. Puis la forme de tawassul qui est bid'a, qui est shirk, c'est l'exemple que j'ai mentionné, celui qui demande à un mort, ou celui qui demande à un être vivant qui est absent, hein, ou quelqu'un qui demande quelque chose que c'est seulement Allah qui est capable de le faire, comme de pardonner les péchés, ou bien des choses de ce genre. Donc, ça c'est at-tawassul, hein, c'est ça qui est mentionné par les ulama en ce qui concerne at-tawassul. Donc c'est ça le wasila qui est légiféré. Tawassul, hein, par les noms d'Allah et ses attributs, par les bonnes actions, ou bien par l'invocation de quelqu'un qui est pieux. Aussi, par exemple, l'exemple de ça, aussi l'invocation de quelqu'un qui est pieux, c'est comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat al-istisqa, c'est-à-dire la demande de la pluie. Et quand il y avait des sécheresses, les sahaba, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient: ô messager d'Allah, demande la pluie à Allah pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains, il faisait l'invocation, il faisait le dua, et Allah subhanahu wa ta'ala faisait tomber la pluie. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils allaient voir, ils demandaient à un autre. Ils ne demandaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Donc ils ne demandaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Ils demandaient à d'autres parmi les sahaba. Et l'exemple qui est mentionné dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, hein, que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il y a eu une sécheresse, il a dit, avant, ô Allah, avant la mort de ton prophète, on demandait par ton prophète, hein, qu'il invoque pour nous pour faire tomber la pluie. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il est mort, donc on te demande par l'invocation de l'oncle du prophète. Et il disait, ô Abbas, lève-toi et invoque pour nous. Et là, Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait et il faisait dua et il demandait à Allah de faire tomber la pluie. Hein? Donc, ça c'est at-tawassul bidua as-salihin. Mais les jeunes bid'a, ils ont compris que de demander par l'oncle du prophète, ou bien par le prophète, ça voulait dire de lui demander à Allah par son nom. Hein? Et ça c'est, ou par la personne. Ça c'est pas ça la signification de demander, de faire le tawassul par une personne. Selon la compréhension qui est correcte, quand tu dis de faire le tawassul par une personne, c'est par son dua. Lorsqu'il est vivant, lorsqu'il est présent, et que tu demandes quelque chose qu'il est capable de faire. Comme Al-Abbas, quand il s'est levé pour faire le dua, comme les sahaba demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'istisqa lorsqu'il était vivant, mais ils ne lui ont pas demandé après sa mort. Et si c'était permis de demander par un mort, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba n'auraient pas demandé par Al-Abbas, ils auraient demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, eux, ils ont déformé le sens de demander par un prophète. Et donc, quand ils font des doigts, ils disent, « Oh Allah, nous te demandons par ton prophète. » Et ça, c'est une bid'a, de demander par le nom du prophète, ou par le degré du prophète, ou par le statut du prophète. Le statut du prophète, c'est son statut à lui. Le degré du prophète, c'est son degré à lui. Hein? Donc tu demandes à Allah, tu ne demandes pas par le prophète. Tu peux demander par ta foi en le prophète. Ta foi en le prophète, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose que tu as fait toi-même. Hein? Mais, ou par ton amour du prophète. Ça, c'est quelque chose que tu as fait toi-même. Mais si tu demandes par le prophète, par son statut, par son degré, par le droit du prophète, non, ça c'est bid'a. Et si tu demandes au prophète directement, ça c'est du shirk akbar, c'est du shirk majeur. Donc beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas compris. Et certains parmi les mouchriquines de notre époque, pire que ça encore, ils disent, non, il n'y a pas de différence entre le vivant et le mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, on peut lui demander, après sa mort, dans sa tombe, comme on demandait quand il était vivant, il n'y a pas de différence. Donc ces gens-là, ils rejettent même la réalité des choses. Ils croient qu'il n'y a pas de différence entre le vivant et le mort. Et il se base sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, hein, que les prophètes ne sont pas morts dans leur tombe, ils sont vivants. Comme Allah il dit dans le Coran à propos des martyrs, hein, que ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts, ils sont vivants. Mais sauf que eux, ils ne comprennent pas que la vie des prophètes dans leur tombe et la vie des martyrs dans leur tombe, ça c'est une vie qui est différente de la vie qu'ils vivaient dans cette vie d'ici-bas. C'est la vie que les ulama appellent une hayat barzakhia, la vie du barzakh. Et la vie du barzakh, elle a des règles différentes que les règles de la vie d'ici-bas, quand on est vivant maintenant. Et que, à cause de ça, ils ne peuvent rien faire pour ceux qui sont dans ce monde, de la même manière que nous, on ne peut rien faire pour eux. Et si on les invoque en dehors d'Allah, c'est donc du shirk. On n'a pas le droit de leur demander quoi que ce soit. Mais beaucoup d'entre eux, malheureusement, à cause de leur égarement, de leur passion, ils n'ont pas compris cela. Hein? Et ils ont essayé par toutes les shubuhat possibles de faire tomber les musulmans dans le shirk, en utilisant ce genre d'arguments complètement, hein, déformés. Allah musta'an. Donc le shaykh, il dit, ça c'est une forme de tawassul qui est shirk, de demander par les créatures. Donc s'il demande par le prophète, hein, il demande à Allah, mais par le prophète, ça c'est une bid'a. Les ulama disent c'est une shirk asghar, une shirk mineur, parce qu'il demande il demande à Allah directement, mais en demandant par le prophète. Ça, c'est une bid'a. Les sahabas n'ont jamais fait ça. Et ça peut amener à quelqu'un à tomber dans le shirk. Sauf, par contre, s'il demande directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, ça, c'est du shirk majeur. D'accord? Vous comprenez la différence entre le shirk akbar et le shirk asra dans cet exemple? T'as compris, musulman? Oui? Si quelqu'un demande par le prophète, il demande à Allah, mais par le prophète, ça c'est quoi? Oui, mais c'est shirk akbar ou asrar? Asrar. Et c'est une bid'ah. Pourquoi? Parce que les sahabas n'ont jamais fait ça. D'accord? Ça c'est important de comprendre la différence entre les deux. Et le cheikh dit ensuite, hein, il mentionne l'exemple des mouchriquines de l'époque avant, qu'ils faisaient exactement la même chose. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent cela sur nos intercesseurs auprès d'Allah. Et l'autre verset dans surat Az-Zumar dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont pris des associés, des alliés en dehors d'Allah, ils ont dit, nous ne les avons adorés que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc, c'est le même shirk que ces gens-là faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont des musulmans, mais qui prient à des tombes et à des saints et à des morts, c'est la même chose. C'est le même shirk. Et donc c'est le shirk des premiers et des derniers. Il n'y a pas de différence entre ce que faisaient les autres mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, et ce que les mouchriquines d'aujourd'hui qui se disent musulmans font en adorant des morts et des tombes et des saints. Donc, même s'ils essaient de l'appeler tawassul ou qu'ils essaient de l'appeler wasila, c'est du shirk. Hein? Tu peux changer le nom, mais la réalité reste la même. Le shirk, c'est le shirk, même si tu lui donnes un autre nom. Une fois, j'ai parlé avec des chrétiens et je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? C'est de l'idolâtrie. Ils ont dit, non, c'est pas de l'idolâtrie, c'est le respect envers envers les prophètes, le respect envers les gens pieux. Tu peux l'appeler respect si tu veux, mais ça reste du shirk. Hein? Donc, les mouchriquins, ils ne vont jamais accepter d'appeler ce qu'ils font par la réalité. De dire que c'est du shirk, ils ne vont jamais accepter ça. Donc, il ne faut pas juste regarder l'appellation ou le nom, mais il faut regarder la réalité de l'action elle-même. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître le shirk et de savoir ce que c'est pour être capable de le reconnaître, parce que des fois, les mouchriquins, ils vont utiliser d'autres noms pour le désigner. Et donc, si le moyen que tu utilises pour te rapprocher d'Allah n'est pas légiféré, ne fait pas partie de ce que Allah a légiféré, et donc dans ce cas-là, ça peut être soit du shirk, ou soit ça peut être une bid'a. Hein? Et donc, celui qui se rapproche d'Allah en faisant du shirk, et qui prend comme moyen pour se rapprocher d'Allah du shirk, eh bien, celui-là, il ne se rapproche pas d'Allah, mais au contraire, il s'éloigne d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 72 dans surat Al-Ma'idah, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Celui qui fait du shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura pas de protecteur ou de défenseur. Et donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait-il établi le shirk comme moyen de se rapprocher de lui? Hein, ça c'est complètement faux. Et qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ce verset-là? C'est qu'il y a dans le verset la preuve qu'il y a des mouchriquins qui adorent des hommes pieux, et que Allah a clarifié cela, et que il a clarifié que ceux qu'ils adorent sont des serviteurs qui ont eux-mêmes besoin d'Allah. يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ. Ils recherchent un moyen vers leur Seigneur, et ils se rapprochent de leur Seigneur par leur obéissance, et ils cherchent à savoir lequel d'entre eux est plus près d'Allah. أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Donc ils font la course entre eux, hein, vers Allah subhanahu wa ta'ala, par l'adoration et par le fait qu'ils reconnaissent leurs besoins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils cherchent, hein, ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Hein, ça, c'est la preuve que ce sont des vrais serviteurs d'Allah. Ils réunissent entre l'espoir et la miséricorde, hein, et la crainte de son châtiment. Et donc, ils ne méritent donc pas d'être des divinités et d'être invoqués ou d'être adorés avec Allah. L'autre verset, c'est la preuve à propos de l'adoration des arbres et des pierres, et que parmi eux, parmi les mouchriquines, certains adoraient les pierres et les arbres. Et ça, c'est basé sur le verset de Surat al-Najm 19 et 20, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne « Afara'aytum al-Lat wal-Uzza wa Manat al-Thalithat al-Ukhra » Donc al-Lat, al-Uzza et Manat, c'était trois idoles parmi les idoles des mouchriquines. Okay. Et le cheikh, il explique, il dit que quand Allah dit « N'avez-vous pas vu ?» c'est pour en fait montrer le blâme et le fait qu'il n'approuve pas, hein, de ces idoles-là et de ce qu'ils font. Al-Lat, c'est le nom d'une des idoles des mouchriquins qui se trouvait à la ville de Ta'if. La ville de Ta'if. C'est pas loin de Jeddah, hein, au sud de Jeddah, pas loin. Et cette ville qu'on appelle Ta'if, il y avait dedans une idole qu'on appelle Al-Lat. Et c'était un gros rocher dans lequel on avait sculpté quelque chose. Et il y avait une maison construite par-dessus, une construction. Et cette maison était recouverte d'un drap ou d'un rideau, comme la Kaaba. Et autour de cette maison, il y avait une place ouverte, hein, une grande place. Et il y avait des gens qui étaient placés là pour surveiller, puis s'occuper de l'idole en question. Et ils l'adoraient en dehors d'Allah. Les Arabes l'adoraient en dehors d'Allah. Et c'était l'idole pour la tribu de Thaqif, Bani Thaqif. Hein? Et également, les autres, donc ils se vantaient de cette idole-là auprès des autres tribus. Hein? Et le verset, il a été lu par de la façon suivante. « Afara'aytum al-Lat wal-Uzza » Al-Lat, il y en a qui lisent le ta avec shadda, Al-Lat, hein, ismu fa'il, min latta yaluttu, hein, et ils ont dit qu'à la base, Al-Lat, c'était un homme qui préparait de la nourriture pour les gens qui venaient faire le hajj. Il mélangeait de la farine avec de la viande, et il préparait de la nourriture pour les gens. Et c'est pour ça que on l'a appelé comme ça, Al-Lat. Mais du verbe latta yalutto. Et lorsqu'il est mort, les gens ont construit cette maison sur sa tombe. Hein, et ils ont mis dessus les rideaux qu'on a vus. Et donc, ils ont commencé à l'adorer en dehors d'Allah. Et c'est ça, Al-Lat à la base. C'est un homme pieux. Hein. Donc ça, c'est la réfutation justement de ceux qui prétendent que eux, ils adorent pas des idoles, des statues, ils adorent des hommes pieux. Eh bien, Al-Lat, à la base, c'était un homme pieux. Ou un homme, ou quelqu'un qui faisait du bien, des bonnes choses. Al-Uzza, c'est des arbres, hein, dans une vallée, dans laquelle il y avait beaucoup de palmiers, entre la Mecque et Ta'if. Et, ils ont construit autour de ces arbres, hein, des constructions et ils les ont couverts de draps, et il y avait des gens qui s'occupaient de cet endroit-là, et il y avait des diables qui s'adressaient aux hommes dans cette place-là, et les gens pensaient que c'était, hein, les arbres qui parlaient. Hein, quand ils allaient là-bas, ils pensaient que les arbres parlaient, mais hein, c'est des shayatins qui faisaient ça. Et cette maison qu'ils ont construite dans cet endroit-là, le cheikh a dit qu'il y avait des diables qui parlaient pour égarer les hommes du droit chemin. Et ça, c'est une des idoles de Quraysh et des gens de la Mecque et des gens des alentours. Il y avait la troisième idole qui est mentionnée, c'est Manat. Et Manat, c'était un gros rocher qui était proche de une montagne qu'on appelle Qadid. Et cette montagne, elle était entre la Mecque et Médine. Et elle appartenait à Khuza'a, et à Al-Aws et à Al-Khazraj, les habitants de Médine, avant l'islam, et la tribu de Khuza'a. Et ils partaient de cet endroit-là pour faire leur ihram quand ils allaient faire le hajj avant l'islam. Et ils adoraient cet endroit, cette roche-là, en dehors d'Allah. Donc, ces trois idoles, hein, c'étaient les trois plus grosses idoles des Arabes. Et Allah, il dit, « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتِ » Hein? Avez-vous vu donc ces trois idoles? Hein? Est-ce que ces trois idoles vous ont donné quelque chose, vous ont profité en quoi que ce soit? Hein? Est-ce qu'elles vous ont aidé en quoi que ce soit? Hein? Est-ce qu'elles peuvent créer? Est-ce qu'elles peuvent donner la subsistance? Peuvent-elles faire vivre ou mourir? Hein? Qu'est-ce que vous avez trouvé en ces idoles-là? Hein? Ça, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala est en train de condamner, de réprimander ces gens-là. Et de demander à ces gens-là d'utiliser leur raison, hein, pour revenir à la droiture et comprendre que ces rochers et ces arbres ne peuvent rien faire, ni pour leur profiter, ni pour leur nuire, parce que ce sont des créatures. Hein, elles sont créées. Et il dit, وَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. Quand l'islam est venu et que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au messager d'Allah, hein, à Mecca, il a envoyé des gens parmi les sahaba, Al-Mughira ibn Shu'ba et Abu Sufyan ibn Harb. Il les a envoyés vers Al-Lat, à Ta'if, pour les détruire, pour détruire Al-Lat. Et les deux l'ont détruit. Et il a ordonné, le messager d'Allah a ordonné ensuite à Khalid ibn al-Walid d'aller vers Al-Uzza et de la détruire. Alors il a coupé tous les arbres qui étaient là-bas. Et il a également tué la personne qui était là-bas et qui était en train de s'adresser aux hommes pour faire croire, hein, aux gens que les arbres parlaient. C'était quelqu'un en fait qui était caché à cet endroit-là et qui faisait croire que c'était, hein, les arbres qui parlaient. De même que il dit donc qu'il les a complètement rasés. Puis il a envoyé Ali ibn Abi Talib vers l'autre idole, Manat, et il l'a détruit complètement. Hein? Et ça, c'est un exemple aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu jusqu'à ce qu'il ait la force et l'autorité pour détruire les idoles. Il n'a pas commencé directement par la destruction des idoles au tout début. Parce que s'il avait fait ça, ça aurait fait plus de tort que de bien, et les idoles auraient été rebâties. Mais là, une fois qu'il avait l'autorité, le pouvoir, il a détruit les idoles. Et c'était fini. Personne ne pouvait venir les refaire par la suite. Hein? Et il dit, le chef il explique ensuite, il dit que, yani, ces idoles, quand Allah il dit, avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat? Hein, est-ce que, yani, où sont-elles parties? Et qu'est-ce qu'elles vous ont profité? Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire devant les armées d'Allah et les armées des gens qui sont sur le Tawhid? Et donc ça, c'est la preuve que ces gens-là adoraient les arbres et ils adoraient les pierres. Hein, et que ces idoles-là, ces trois idoles-là, c'étaient les trois plus grosses idoles que les mouchriquins adoraient. Ils les ont complètement éliminées et effacées de la face de la terre. Hein? Elles n'ont profité en rien à leur population et à ceux qui les adoraient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein? Et leurs idoles n'ont pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les détruire. Et donc le cheikh il dit ça, c'est qu'est-ce que le cheikh a utilisé comme preuve pour dire qu'il y a des hommes qui adorent des pierres et des arbres. Il dit, subhanallah, des gens qui sont intelligents, qui ont une tête, qui ont une logique, et qui adorent des pierres et des roches, inertes, qui ne peuvent rien faire, ni pour nuire, ni pour profiter? Où est-ce qu'elles sont, leur intelligence? Où est-ce qu'elles sont, leur intelligence? Alors que ces pierres-là et ces roches, elles sont inertes, elles ne peuvent pas bouger, elles ne sont pas vivantes. Où sont l'intelligence de ces hommes-là qui font ça, hein, qui adorent des statues, des idoles en dehors d'Allah? En ce qui concerne le hadith de Abu Waqid al-Layfi, au sujet de l'arbre que les mouchriquins utilisaient pour donner à leur statue un pouvoir quelconque, c'est des gens, comme on dit, après la conquête de la Mecque, qui se sont convertis à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec les sahaba, et eux, ils étaient avec les sahaba, et quand ils ont vu l'arbre, ils ont demandé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur désigne un arbre comme celui des mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a dit ça pour montrer son étonnement et pour montrer sa désapprobation, comment il était choqué de ça. Et il a dit Subhanallah, innaha sunan. C'est-à-dire, ça, c'est les exemples qui se reproduisent encore. Il dit قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. C'est-à-dire, vous suivez les mêmes voies des gens qui vous ont précédé, les juifs et les chrétiens et les autres. Vous allez faire comme eux. Les juifs, ils ont dit à Moussa, désigne-nous une idole, désigne-nous une divinité, comme la divinité des autres, mouchriki. Donc il dit, vous êtes en train de faire la même chose. Et il dit, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a dépassé la mer avec Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala a fait noyer leurs ennemis dans cette mer pour qu'ils voient. Et yani, ils sont passés par la suite près des gens qui adoraient une idole parmi les mouchriquins. Et Moussa, Bani Israël, ils ont dit à Moussa, désigne-nous une idole comme eux, ils ont une idole. Et Moussa alayhi salam a dit, Haoulaï mutabbarun ma hum fi. Donc Moussa alayhi salam, il a mentionné que ce qu'ils font, ces gens-là, c'est complètement faux et c'est rejeté et que c'est du shirk. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Est-ce que je vais rechercher pour vous comme divinité autre que Allah, alors que c'est lui qui vous a choisi et préféré sur tous les hommes, dans tout le monde? Verset 140 dans Surat Al-A'raf. Donc, il a condamné ce qu'ils ont demandé, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a condamné ce qu'ils ont demandé. Et donc, les deux, ces deux-là n'ont pas fait de shirk. Mais, il dit, Banu Israël, quand ils ont dit cette parole-là, ils n'ont pas fait de shirk en eux-mêmes. De même que les sahaba n'ont pas pris l'arbre en question pour accrocher leurs arbres, pour faire le shirk. Mais Allah les a préservés de ça. Et lorsque leur prophète leur a interdit de faire ça, ils ont cessé. Sauf que Banu Israël, eux, ils n'ont pas cessé. Par la suite, ils ont adoré le veau d'or. Wal'iyadu billah. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que ça c'était incorrect, que ça c'est du shirk, tout de suite ils ont compris ça et ils ont cessé. Et ils ont exécuté exécuté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith et de ce verset? C'est qu'il y a des gens qui adorent des arbres, et parmi les mouchriquins, il y en a qui adoraient l'arbre sur lequel ils mettaient leurs épées, et que ces sahabas qui étaient nouveaux, ils n'avaient pas encore appris l'islam. L'islam n'était pas encore rentré profondément dans leur cœur avec la compréhension. Ils ont pensé qu'ils pouvaient faire quelque chose de semblable à ce que les mouchriquins faisaient. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a empêchés de faire ça. Donc, c'est la preuve que les mouchrikoun, ils prenaient des arbres, hein, desquels ils recherchaient la bénédiction, et sur lesquels ils accrochaient leurs armes, et donc ils adoraient, ils restaient dans ces endroits-là, cherchant la bénédiction. Donc ça, c'est une forme de shirk, et ça prouve que certains des mouchrikoun adoraient les arbres. Naam. Et le cheikh il dit, et donc il y a des bons points là-dedans, à ce sujet-là. Le premier point, le danger d'ignorer le tawhid. Et que celui qui ignore le tawhid, il risque de tomber dans le shirk sans le savoir. Donc il est obligatoire d'apprendre le tawhid et d'apprendre le shirk aussi, ce qui est en contradiction avec le tawhid, pour qu'on soit capable de connaître et pour ne pas tomber dans le shirk à cause de l'ignorance. Hein? Et que si on voit quelque chose, hein, que quelqu'un fait, on peut l'empêcher. Hein? Donc on voit ici dans ce point-là le danger de l'ignorance, en particulier dans les choses de la croyance. Le deuxième point, il y a le danger d'imiter les mouchriquins. Dans ce hadith-là, il y a le danger d'imiter les mouchriquins, et que ça peut amener au shirk. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple est un des leurs. Donc il n'est pas permis de ressembler aux mouchriquins. Le troisième point, c'est que de chercher la bénédiction des arbres et des pierres et des bâtiments, hein, tout ça rentre dans le shirk. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent la bénédiction d'autres que Allah en se frottant sur des pierres, sur des roches, sur des arbres, sur des tombeaux, hein, sur des bâtiments, sur des mosquées, et des choses comme ça. Et ils cherchent de ces choses-là la bénédiction. Et ils l'appellent tabarruk ou autre. Et ça rentre dans le shirk, même si on change le nom. Il reste une dernière règle parmi les règles. Des quatre règles du tawhid, et on va terminer avec cette règle-là. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc la quatrième règle, qui est la dernière, c'est le fait que les mouchriquins de notre époque, leur shirk est plus grave que le shirk des premiers mouchriquins. Parce que les premiers mouchriquins, ils faisaient le shirk quand ils étaient dans l'aisance et dans... ils n'étaient pas en danger, ils faisaient le shirk. Puis quand ils étaient dans des moments de danger et des moments de détresse, là ils invoquaient Allah seul. Ils ne demandaient pas à quelqu'un d'autre ou à quoi que ce soit d'autre que Allah. Donc ça c'est l'exemple des mouchriquins avant. Ils faisaient le shirk juste quand ils étaient dans le danger. Tandis que les mouchriquins de notre époque, quand ils sont en danger, ils font le shirk, et quand ils ne sont pas en danger, ils font le shirk aussi. C'est-à-dire qu'ils font le shirk tout le temps. Allah al-musta'an. Et la preuve de ça, c'est le verset 65 dans Surat al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur. Ils n'adorent pas d'autre que Allah quand ils sont en bateau. Mais quand ils arrivent sur la terre ferme, que Allah les a sauvés, là, il recommence à faire le shirk. Hein? Donc, le shaykh, il dit, pour expliquer cette quatrième règle, le shaykh al-Fawzan, il dit, hafidhahullah, que les mouchriquins de notre époque, leur shirk est plus grave que les premiers parmi les mouchriquins vers qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était envoyé. Et la cause de ça, elle est claire. C'est que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que les premiers mouchriquins, ils faisaient le shirk avec Allah. Les premiers mouchriquins, ils ne faisaient pas de shirk avec Allah quand ils étaient dans les moments de détresse. Et quand les choses étaient difficiles, sur la mer ou des choses comme ça, ils étaient dans le danger, là, ils invoquaient Allah seul. Parce qu'ils savaient que personne ne pouvait les sauver de ces difficultés-là, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 67 dans Surat al-Isra. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا. Donc il dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et lorsque vous êtes touché par un mal, lorsque vous êtes en mer, vous oubliez tout ce que vous invoquiez excepté lui. C'est-à-dire, vous invoquiez tout ce que vous invoquiez en dehors d'Allah, vous le laissez, excepté Allah. Puis lorsqu'il vous a sauvé sur la terre ferme, vous vous détournez. Vous vous détournez d'Allah. Et puis vous retournez à vos idoles. Et l'homme est certes ingrat. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يعني مخلصين له الدعاء. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وفي الآية الأخرى فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَلَوَّلُونَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَّ وَيَدْعُونَ الْأَصْنَامُ وَالْأَحْجَارُ وَالْأَشْجَارُ. Donc, l'autre verset, ça dit, et lorsqu'ils sont couverts par des montagnes, pas par des montagnes, lorsqu'ils sont couverts par des vagues, par des vagues, comme des ombres, des vagues immenses, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur. Ils adorent lui seulement, ils l'invoquent lui seulement. Puis lorsqu'ils sont sauvés, ils reviennent à la terre ferme, voilà qu'ils retournent. Ils retournent à leur shirk. Et donc, les premiers mushrikines, ils faisaient le shirk quand ils étaient dans les moments d'aisance. Puis quand ils étaient dans les moments de danger, ils cessaient d'adorer les idoles, ils adoraient Allah seul. Donc, quand ils étaient dans un danger, ils craignaient de mourir, là, ils invoquaient les idoles. Ils invoquaient pas les idoles, ils invoquaient pas les arbres, ils invoquaient pas les pierres, ils invoquaient pas les créatures, ils invoquaient uniquement Allah. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être sauvés dans ces moments de détresse, excepté par Allah. Donc, pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'ils invoquaient des idoles quand ils étaient en sécurité? C'est pas normal. Mais les mouchriquines de notre époque, ceux qui adorent les tombeaux et les morts et qui prétendent faire partie des musulmans, leur shirk est permanent. Qu'ils soient en moment de détresse, ils font le shirk. Même dans les moments de détresse. Et dans les moments d'aisance, ils font le shirk. Donc ils sont pires que les mouchriquines. Chaque fois qu'ils ont un problème, dans les moments de détresse, ils font le contraire des mouchriquines. Les mouchriquins, quand ils étaient dans le moment de détresse, ils invoquaient seulement Allah. Et les gens aujourd'hui qui adorent les morts et les saints, les tombes et les chouyouks et les assiades, quand ils sont dans les moments de détresse, « Ya Hussein, Ya Hassan, Ya Abdel Qadir, Ya Ahmed Tijan, Ya Shadili, Ya Fulan, Ya Fulan », ils les demandent en dehors d'Allah. Puis il y a un exemple, par exemple, j'ai lu ça dans un livre une fois, un soufi de la Tariqa Tijaniya. Et il s'appelle Al-Hajj Omar, Al-Hajj Omar Al-Fouti. Subhanallah, dans son livre, il dit à une femme qui était Qadiriya, quand elle était dans les moments de détresse, elle demandait, Ya Abdul Qadir, sauve-moi. Lui, il lui dit, demande pas par Abdul Qadir, demande par Ahmed Tijan. Donc, les ulama, c'est pour ça les ulama, de l'islam, l'ulama du tawhid, ils ont dit, les gens qui sont allés en Afrique pour propager l'islam, souvent ils n'allaient pas pour propager l'islam, ils allaient juste pour propager leur tariqa soufia. Donc ils ne voulaient pas sauver les gens du shirk pour les ramener au tawhid, ils voulaient juste les sauver d'une forme de shirk pour les ramener à une autre. Ils passaient donc du shirk des soufis, de la tariqa qadiriya, pour les amener à une nouvelle tariqa, et faire le shirk avec un autre sheikh, au lieu de faire le shirk avec un autre. Donc, ils passaient d'un shirk vers un autre shirk, et donc, ils n'étaient pas en réalité sur l'islam. Mais ils savent, Allah al-Musta'an, à cause de l'ignorance aussi, beaucoup de choses comme ça se sont produites. Donc, le cheikh il dit, ces gens-là, même dans les moments de détresse, au lieu d'appeler Allah seul, ils invoquent Al-Hassan, Al-Hussein, Al-Ali. Hein? Ils font des pèlerinages là-bas, à ces tombeaux-là. Ils ont des mosquées construites dessus, à Karbala, à Najaf, en Irak. Hein? Et ces pratiques-là, vous les trouvez chez deux groupes en particulier, chez les Shia, Rafida, et chez les Soufia. C'est eux chez qui vous trouvez beaucoup de ces gens de shirk. Et donc, le cheikh, il dit, ils appellent Abdul Qadir, ils appellent d'autres, que je ne connais même pas, Ar-Rajshafa'i, hein, et d'autres encore, plein d'autres. Et dans chaque pays, il y a des choses comme ça, les gens, ils adorent en dehors d'Allah. J'avais un livre, ça s'appelait Le Pèlerinage au Maroc. Dans ce livre-là, c'est écrit par une chrétienne. C'est écrit par une chrétienne, une ethnologue. Elle est partie au Maroc vivre là pendant 2-3 ans, parmi les villageois et les gens des différents villages. Et elle a participé avec eux au pèlerinage vers les tombes, vers les saints, des différentes villes, des différentes régions. Et elle a enregistré et écrit tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu de ce que pratiquaient les gens là-bas. Les différentes adorations faites à différents saints. Moulay Koutbin, Moulay Foulan, Moulay Foulan, Sidi Foulan, Sidi Foulan. Dans chaque ville, dans chaque village, il y a un wali, il y a un qabr, il y a un qubba. Et les gens, ils s'en vont là-bas faire le pèlerinage. Dans chaque saison, chaque région, chaque place. Partout. Et les gens font le shirk comme ça. Allah musta'an. Et c'est un pays musulman. Mais les gens, ils n'ont pas appris le tawhid. Allah musta'an. Donc, ça, c'est une femme chrétienne d'une université catholique qui est ethnologue, qui s'en va dans un pays musulman faire des études et écrire des doctorats et des maîtrises sur les pratiques du shirk et des pèlerinages aux tombes dans les pays musulmans. Pourquoi ils font ça, d'après vous, les koufars? C'est pour étudier les égarements des musulmans, pour les utiliser, puis les égarer encore plus. Hein? Après, ils disent aux musulmans, écoutez, vous, les musulmans, vous priez à des saints, à des temples, pourquoi pas prier à Jésus? Pourquoi pas prier à Marie? Hein? Vous n'êtes pas loin. Vous êtes déjà sur le même chemin. Et beaucoup de gens, ils tombent dans ça, ils ne réalisent pas. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, hein, ils adorent ces êtres en dehors d'Allah. Ils les prennent comme des associés, des intermédiaires entre eux et Allah. Et des fois, c'est des hommes pieux, ou des gens, des fois, c'est des hommes pieux, vraiment, qui ont été vraiment pieux. Mais des fois, c'est des gens qui n'ont même pas été pieux. C'est des gens qui étaient en réalité des hérétiques, des gens perdus, des gens égarés. Et les gens leur ont attribué des miracles ou des prodiges ou des choses particulières. Et les gens ont commencé à propager ces rumeurs-là à leur sujet. Et ils ont fait d'eux des idoles en dehors d'Allah. Hein? Il y a des gens comme ça. Si tu lis leur histoire dans les livres, comme par exemple, le cheikh il mentionne les chouyoukh de certaines turuq soufiyah dans Tabaqat al-Sha'rani. Certains d'entre eux, c'est des gens, ils ne faisaient même pas la salat. Ils dormaient dans les najasat, dans les choses pures, dans les poubelles. Ils vivaient dans les poubelles, les déchets. Ils ne faisaient pas la salat, ils ne faisaient pas le ramadan. Puis les gens disaient, ça c'est des awliya. Quel awliya? C'est des shayatin. Ils vivent avec les shayatin. Allah musta'an. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et inshallah. Donc, le cheikh, il dit, si vous regardez dans ce livre-là, Tabaqat al-Sha'rani, vous trouvez des choses inimaginables, hein, qui donnent la chair de poule, si vous lisez ça. Et on aurait pu citer des exemples de ça. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh dit, les chefs des musulmans, des gens qui se disent musulmans à notre époque, qui adorent les tombes et les morts, leur shirk est donc plus grave que le shirk des premiers mushrikines. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il avait écrit le livre Kashf al-Shubuhat, justement, pour réfuter ces pratiques-là et ces exemples-là. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد على الوسيلة والفضيلة وبعث المقر المحمود. Donc, le cheikh, pour terminer, il cite les paroles de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab dans son livre « Kashf al-Shubuhat ». Il dit que ces gens-là, parmi les gens qui yani, adorent les tombes et les saints, ils considèrent que c'est des gens qui sont pieux. Il dit qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas parmi les salihins. Hein? Il dit parmi eux, il y en a qui sont adorés par ces gens-là, c'étaient les plus pervers des hommes. Et eux-mêmes le reconnaissaient et ils les appelaient par des termes pour les glorifier, ils les appellent des aqtab ou bien al-arwaf ou al-aqtab. Parce qu'ils divisent les saints en différents degrés et le plus haut, le plus élevé des saints, ils l'appellent al-qutb ou bien qutb al-qutb, le pôle. Hein? Et ils disent que c'est lui le pôle qui te sauve, qui peut te sauver. Quand tu as des problèmes, quand tu as de la détresse, tu invoques ce cheikh-là, il va t'aider, il va te sauver. Ou bien il l'appelle Al-Rawf. Al-Rawf, hein? Allah al-Musta'an. Et souvent, c'était des hommes qui ne faisaient ni la salat, ni le jeûne du ramadan. Ils ne s'abstenaient pas de faire le zina, ni l'homosexualité, la sodomie et d'autres fawahish. Et ils faisaient d'autres choses également. Boire de l'alcool, faire n'importe quoi, yani, et ils prétendent que c'est des awliya. Pourquoi ils font ces choses-là, puis ils prétendent qu'ils sont des awliya en même temps? Parce qu'ils ont dit que, eux, ils ont atteint un degré de piété tellement élevé qu'ils n'ont plus besoin de faire ce qui est obligatoire. Puis ils n'ont plus besoin de s'abstenir de ce qui est interdit. Donc tout est halal pour eux. Il n'y a rien qui est haram ou wajib. Ils peuvent vivre comme ils veulent, faire n'importe quelle chose. Hein? Et que ceux qui doivent obéir aux lois et faire ce qui est ordonné et s'abstenir de ce qui est interdit, c'est les musulmans ordinaires, le commun des musulmans. Eux, ils doivent respecter les règles. Mais eux, non. Eux, ils peuvent faire boire de l'alcool, faire le haram, n'importe quoi. Pas faire la prière, c'est pas grave. Pas faire le jeûne, c'est pas grave. A'oudou billah. Donc, ces gens-là, ils se permettent de faire tout ce qui est haram. Et toutes les obligations, ils les délaissent. Des fois même, tu vas voir dans leur groupe, parmi les soufis, hein, tout le monde se lève pour faire la prière. Lui, le cheikh, il reste assis, il ne bouge pas, il ne prie pas. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu ne pries pas? Il dit, moi j'ai prié à la Mecque. Je suis allé, je suis revenu, comme ça. Dans son esprit, il dit, moi je suis parti à la Mecque, je suis revenu. Il ne prie pas, il reste assis, comme ça. Hein? Et eux, les autres qui le suivent, ils le croient. Il dit, oui, c'est vrai, notre cheikh, il n'a plus besoin d'aller à la Mecque. Mais il dit, même nous, on ne va pas faire le hajj, la Kaaba, elle vient nous visiter. Et la Kaaba, elle vient, elle fait le tawaf autour de nous. Hein? La Kaaba, elle vient, elle fait, c'est la Kaaba qui fait le tawaf autour du cheikh. Ce n'est pas le cheikh qui va à Makkah pour faire le tawaf. C'est des idées comme ça que les gens, ils ont, Allah al-Musta'an, comme Al-Hallaj, Ibn Arabi, et Al-Rifa'i, et Al-Badawi, et d'autres parmi ces gens-là. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est des gens comme ça. Al-Hallaj disait, Allah, il est en moi. Hein? Laysa fil jubbati illa Allah. Il dit, il n'y a personne dans le manteau que je porte excepté Allah. Hein? Ça, c'est des égarements plus graves que les égarements des juifs et des chrétiens. Il y a des gens qui respectent ces gens-là. Ibn Arabi, qui croit en Wahdatul Wujud. Il dit, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est un. Ça c'est du shirk, du kufr akbar. Même Cheikh l'Islam dit, il n'y a pas un kufr plus laid que ce kufr, que ce kufr-là. Puis c'est des gens qui se prétendent pieux. Al-Badawi en Égypte, à Tanta, la ville de Tanta, il y a plus que 3 millions de musulmans qui vont chaque année faire le hajj là-bas. Ou bien un hajj, qu'est-ce qu'ils appellent eux? Ziyara. Un pèlerinage, ils vont faire à la tombe de cet homme, ils font des sacrifices d'animaux, ils font des toutes sortes de shirk, du'a, a'udhu billah. Donc ça c'est la preuve, le shirk dit ça, c'est la preuve que les mouchriquins de notre époque, leur shirk est plus grave que le shirk des premiers parmi les mouchriquins à l'époque, qui ne faisaient de shirk que dans les moments d'aisance. Et quand ils étaient dans les moments de danger, ils s'abstenaient de faire le shirk. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand ils montaient dans le bateau, ils invoquaient Allah en lui vouant un culte pur. Ils ne faisaient pas de shirk dans le bateau parce qu'ils avaient peur. Mais quand ils étaient sur la terre ferme, ils faisaient le shirk. Aujourd'hui, les gens qui se disent musulmans, mais qui font du shirk, quand ils vont dans le bateau, ils invoquent les shuyukh et les autres qu'ils ont comme les hommes pieux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils les invoquent plus que quand ils sont sur la terre ferme. C'est quand ils ont peur qu'ils font plus de shirk, contrairement aux mouchriquins avant. Donc leur shirk est plus grave encore. Allah al-musta'an. Mais dans tous les cas, on a terminé la risala, alhamdulillah rabbil alamin. Le shaykh il termine donc en disant wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et en terminant, un rappel pour nous que le fait d'apprendre le tawhid et de connaître comme il faut la définition du shirk, eh bien ça nous aide à rester sur le droit chemin, à nous accrocher fermement à notre religion. Et ça c'est très important, et c'est important aussi de transmettre la connaissance à ceux d'entre nous qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas appris, et à nos proches pour leur faire connaître la réalité de l'islam, et de leur donner des bons exemples, des bonnes leçons, et à enseigner également à nos enfants le tawhid, surtout dans des pays où les gens font toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec la sunna, de leur donner des bonnes leçons, des bons enseignements, de leur faire connaître la réalité du tawhid. Parce que les enfants et les jeunes musulmans sont les musulmans de demain, c'est eux l'avenir de cette umma. Donc c'est très important que les musulmans éduquent leurs enfants et leurs jeunes sur le tawhid et la bonne compréhension de l'islam. Sinon, s'ils n'ont pas bien compris, c'est facile pour eux de tomber dans beaucoup d'égarements. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et j'aimerais remercier les frères de Masjid Farouk et le frère Abu Umama et Abdul Hakim et tous les autres frères qui sont venus et qui ont assisté à ce séminaire et à ces conférences sur Qawaid al-Arba'a, et que Allah les récompense tous et qu'ils mettent cela dans la balance des bonnes œuvres au jour de la résurrection, et qu'il fasse que ces œuvres-là soient faites avec ikhlas et sincérité uniquement pour le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fikum baraka inshallah.